Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Les Français l'imaginent à cause du cinéma sous les traits de Yolande Moreau. La femme peintre Séraphine de Senlis est aujourd'hui au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Carole, bonjour à tous. Nous irons visiter Senlis tout à l'heure à la fin de l'émission. Pour le moment, je vais vous raconter le singulier destin de cette artiste Séraphine que rien ne destinait a priori à la peinture. Et pour nous parler d'elle, vous avez invité son biographe Alain Vircondelet. Oui, c'est toujours un plaisir de recevoir Alain Vircondelet. Il est un de ceux qui connaissent le mieux Séraphine de Senlis, à laquelle il a consacré sa thèse ainsi que plusieurs ouvrages. Son nouveau livre « L'art jusqu'à la folie » parle de Séraphine mais aussi de Camille Claudel et d'Aloïs Corbaz. On y reviendra évidemment tout à l'heure. J'ai hâte d'entendre Alain évoquer cette femme tellement touchante, tellement grande à sa manière. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Le docteur Lemot de Senlis nous livre le rapport médical suivant à propos de sa patiente Séraphine. Nous sommes au début de l'année 1932. Je cite, est atteinte de psychose chronique avec idée de grandeur. Elle est artiste peintre. Elle va partir en Espagne pour se marier avec un ancien capitaine. Idée de persécution. Poison mort au rat. Un notaire veut abuser d'elle. Hallucination auditive. Entend la voix de sa sœur décédée. La voix de Dieu et celle de la Vierge. Hallucination visuelle. État actuel d'euphorie. Délire évoluant depuis plusieurs années. Lettre de dénonciation. Tapage nocturne. Scandale à la cathédrale. Goitre. Pâleur du teint. À admettre où ça? Eh bien, l'hôpital psychiatrique de Clermont-de-l'Oise. En ce début des années 1930, évidemment, on porte sur les patients qui sont atteints du genre de mal dont souffre Séraphine un regard assez peu amène. Plus jamais, à partir de cette année 1932, plus jamais Séraphine de Senlis ne reprendra ses pinceaux. On va essayer de lui redonner le goût de l'art en lui offrant des tubes de peinture, des toiles pour qu'elle puisse exprimer son talent à sa guise, comme à l'époque où elle peignait des tableaux en série pendant des nuits entières, sans répit jusqu'à l'épuisement. Mais Séraphine de Senlis, cette autodidacte de génie, celle en qui Wilhelm Oude a vu l'un des plus grands peintres du courant primitiviste, à la hauteur du douanier Rousseau, jamais Séraphine ne peindra plus. Alors, qui est-elle, cette artiste qui, comme le dit si bien Alain Vircondelet, est passée de la peinture à la folie? Eh bien, son nom évoque des origines nobles. Pourtant, le 2 septembre 1864, à Arcy-sur-Oise, Séraphine naît Séraphine Louis Maillard dans la famille la plus modeste qui soit. Et l'on peut parler à propos de son enfance d'une espèce de tragédie. Sa mère, une jeune femme d'origine paysanne qui gagne sa vie en faisant des ménages et en gardant des troupeaux, sa mère meurt en 1865, un an seulement après la naissance de Séraphine donc. Et puis c'est au tour de son père, horloger, qui disparaît alors que la petite Séraphine n'a que 6 ans. On est là en 1871, c'est-à-dire en plus dans cette période où la France est à genoux, vous savez, après la défaite de Sedan face aux Prussiens. Séraphine se retrouve orpheline. Alors on ne sait pas grand-chose de son enfance, voilà ce que nous dit Alain Vircondelet. On imagine que cette petite enfance fut mélancolique, sourde et solitaire, triste et pauvre. Séraphine doit vivre de la charité publique ou religieuse. Elle doit aussi ne pas manger à sa faim, ignorer les gâteries habituellement prodiguées aux enfants, la tendresse des caresses, le réconfort des bras maternels, les consolations des parents. Cette solitude doit peser sur elle, doit renforcer son mutisme, aggraver ses manques originels. Elle est confiée à une institution religieuse, un prêtre de la paroisse d'Arcy-sur-Oise qui s'est pris de pitié pour elle, va faire en sorte qu'elle puisse aller à l'école. C'est là qu'elle apprend, comme les petites filles de son temps, elle apprend à lire, à écrire. Et que ce soit à l'école ou au couvent, la petite va prendre l'habitude de rester toujours un petit peu de côté, un peu en retrait. Elle est solitaire, elle a tendance même à se murer dans son mutisme, à s'enfermer dans une sorte de monde intérieur. Et le seul lien qu'elle crée, c'est un lien avec la nature et à travers la nature, avec Dieu. Elle se sent bien quand elle est au contact de ce qui pousse, si je puis dire, des arbres, des fleurs, de cet univers qui pour elle se nimbe d'une forme de religiosité. En 1877, elle a 13 ans. Elle est placée à Paris comme bonne à tout faire. C'était comme ça à l'époque. Elle va devenir un petit peu plus tard domestique dans l'Oise. Elle gagne sa vie en faisant des ménages. Elle frotte, elle astique, elle cire, elle polie. Elle se tue à la tâche. Elle s'abîme, évidemment. Mais toujours, on la voit obéir à ses employeurs avec une grande délicatesse jusqu'au jour où elle décide de mettre fin à cet état servile. Alors, plutôt que de rompre brutalement, elle va se trouver un autre maître, si je puis dire. Mais alors, un tout autre maître. Ça fait un moment que l'idée la taraude, pour tout vous dire. Est-ce qu'au fond d'elle-même ne couvrait pas une vocation religieuse? Elle a toujours été fascinée par les motifs religieux, par les images de piété, les cantiques, les psaumes la transportent littéralement, et on a vu Séraphine, toute jeune, trouver dans la messe une sorte de refuge. Eh bien, en elle, une idée a germé. Elle va entrer au couvent. À l'été 1882, on la voit, la jeune Séraphine, toquer à la porte des sœurs du couvent de la Charité de la Providence à Clermont-de-l'Oise. La mère supérieure accepte de l'accueillir. Alors, évidemment, Séraphine, dans un premier temps, ne peut pas prétendre au statut de religieuse. Elle va être la bonne à tout faire du couvent. Et le travail, si vous voulez, est le même que celui qu'elle assumait dans les différentes maisons bourgeoises où elle a servi jusqu'alors. Elle lave, elle astique, elle frotte, etc. Mais elle est maintenant au service de Dieu, d'une certaine manière. Et quand elle ne travaille pas, elle partage le quotidien des sœurs. Elle prie tous les jours, elle assiste à la messe quotidiennement. Et là, dans l'atmosphère mystique de l'église, dans l'odeur envoûtante de l'encens, elle se sent comme ensorcelée. Alors l'expression est malheureuse. Elle est en tout cas exaltée. Elle jubile. Elle ne reste pas moins de 20 ans dans ce couvent, de 1882 à 1902. Les années passent. On voit Séraphine évidemment vieillir. L'année 1902 sera celle de sa révélation. Séraphine a 38 ans et là, sa vie bascule. Ça fait déjà un moment qu'elle entend des voix qui lui parlent. Surtout la nuit, ces voix lui demandent de quitter son travail, de s'adonner entièrement à sa vocation. Et quelle est cette vocation ? Peindre. Peindre au service de Dieu et de la Vierge Marie. Eh bien, ce jour de 1902, dans une chapelle latérale de la cathédrale de Senlis, alors que Séraphine est en train de prier, elle voit lui apparaître l'archange Gabriel qui lui répète cette injonction. Il faut qu'elle change de vie pour la gloire de Dieu. Il faut qu'elle peigne. Alors, d'où viennent-elles ces voix ? La vision de l'archange Gabriel est-elle une hallucination ? Ce qui est certain, c'est que cette fois-ci, Séraphine a en elle une sorte de certitude. Elle a été choisie, elle a été touchée par la divine providence. Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Franck, vous nous racontez la vie incroyable et mystique de Séraphine de Senlis, cette femme de ménage devenue une immense artiste peintre avant de sombrer dans la folie. Elle a un rapport particulier à la religion, puisque l'ange Gabriel lui aurait demandé de peindre à la gloire de Dieu. Est-ce que cela veut dire que sa peinture ne va comporter que des thèmes religieux ? Disons que Séraphine de Senlis ne va pas, à proprement parler, composer des scènes religieuses. On ne la voit pas peindre d'Annonciation ou de Vierge à l'Enfant ou de Passion, que sais-je. Et même l'archange Gabriel n'est pas présent sur ces toiles. Simplement, elles ont ces toiles une dimension religieuse. Elles mettent en avant la création. Séraphine ne peint essentiellement que des plantes, des fleurs, des arbres, des fruits. Ces éléments, lorsqu'elle les peint, prennent sans doute une dimension métaphysique. Ils nous parlent de vie. C'est Wilhelm Hude, l'homme qui a découvert Séraphine de Senlis et sur lequel nous aurons tout à l'heure l'occasion de revenir, qui disait qu'elle possédait une sorte de savoir ancestral, comme une connaissance intime, lointaine et profonde qu'elle restituait sur la toile. Ses fleurs, ses feuilles et ses fruits sont en vérité l'image de Dieu, l'âme de cette France royale, le symbole de la ville médiévale, génie de sa cathédrale dont le tintement des cloches s'est par miracle mué en couleur, écrivait-il dans son ouvrage 5 mètres primitifs. Et lorsqu'on voit Séraphine avec cette silhouette, son imposante silhouette, son chapeau de paille qu'elle porte presque tous les jours, lorsqu'on la voit s'installer à Senlis en 1902, ce n'est pas tout de suite pour se mettre à la peinture. Elle s'installe dans une petite chambre de bonne, elle continue dans un premier temps à faire des ménages. Alors les années passent, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, et pendant toutes ces des années, elle est toujours là à dépoussiérer les intérieurs bourgeois et à astiquer l'argenterie. À cette époque déjà, nous dit Vircondelet, sa personnalité s'éparpille, se fendille et sa disponibilité ne comble plus ses manques et ses frustrations. Elle est comme percée de mille trous. La régularité de la vie conventuelle ou domestique ne vient plus supporter ses abîmes. Pour combler ses manques et pour essayer de se dissimuler à elle-même les abîmes qui se font jour en elle, elle va finir par obéir à la nécessité qui lui a été dictée. Elle va peindre. Et un jour de 1906, alors oui, on la voit se rendre chez un marchand de couleurs. Elle achète des pinceaux, des pigments, pas n'importe quelle peinture, des couleurs vives, denses, contenues dans des pots de ripolin, cette peinture à l'huile vernissée qui sert d'ordinaire aux peintres en bâtiment. Peu importe, elle récupère des planches de bois dans les marchés, ça va lui servir de support, et elle se met au travail. Elle est autodidacte, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Elle apprend en quelque sorte au contact des couleurs. Elle peint à sa manière, d'une manière un petit peu aléatoire. Elle fabrique ses propres mixtures. Elle mélange sa peinture ripolin à des plantes, à des feuilles qu'elle a récupérées au hasard de ses pérégrinations dans les bois. Et au départ, on peut dire que les tableaux qui sortent de ses pinceaux sont un peu simples. Très vite néanmoins, on va voir s'exprimer dans les fleurs, les plantes, les marguerites, les muguets, les myosotis, les incroyables gerbes de blé dont elle se fait la créatrice. On va voir s'exprimer quelque chose de son génie. Elle est comme poussée par une nécessité qui lui vient d'ailleurs, qui lui vient d'en haut. C'est une nécessité spirituelle et germinatoire que cette espèce de création picturale. Quand elle a fini ses ménages, elle se consacre à son art avec une ferveur extraordinaire. Elle peint pendant des nuits entières avec son âme, si l'on peut dire. L'hiver, elle met des mitaines pour ne pas que ses doigts restent trop engourdis par le froid. On l'entend chanter des cantiques religieux. C'est une sorte d'hymne à la nature et à la création dont Séraphine se fait le chantre. Les habitants de Senlis se demandent quand même ce que fait cette vieille servante un peu simplette, assez excentrique, qui s'habille toujours d'une manière tellement bizarre. Ils portent sur elle un regard, je dirais dans le meilleur des cas, amusé. C'est peut-être le meilleur des cas seulement. Séraphine aurait pu rester cette drôle de bonne un peu excentrique, seulement le hasard, la chance, le destin vont faire qu'en 1912 s'installe à Senlis un nouveau venu qui va faire d'elle une peintre primitiviste. C'est le fameux Wilhelm Uhde dont je vous parlais, grand collectionneur d'art, qui déjà est un grand connaisseur de Picasso, de Matisse, de Braque, du douanier Rousseau, pour s'approcher du type de peinture naïve dont Séraphine se fait l'interprète. Et en quête d'une femme de ménage, il va se retrouver confronté à Séraphine. Vous avouerez que c'est assez extraordinaire. Elle va travailler pour lui. Il n'imagine pas à ce moment-là que sa bonne pendant la nuit se transforme en artiste, vous imaginez. Seulement un soir, alors que Wilhelm Uhde est en train de dîner en ville, chez les petits bourgeois de Senlis, il aperçoit chez eux un tableau, une nature morte, peinte avec une sensibilité extrême. Et Uhde se dit « Oh, mais c'est du Cézanne, ça. Il y a du Cézanne là-dessous. » Alors il demande qui est l'auteur. « Oh, on lui dit non, c'est pas Cézanne, c'est une femme de ménage. Elle s'appelle Séraphine. » Le choc et la sidération passés, Uhde n'a plus qu'une hâte. Aller voir cette fameuse Séraphine et puis surtout aller voir ses tableaux. Il est littéralement hypnotisé par les panneaux fraîchement peints que lui présente l'artiste, avec ses fleurs qui ont l'air de tourbillonner, les couleurs qui résonnent entre elles et vibrent, jusqu'à donner au spectateur une forme de vertige. Comment cette Séraphine arrive-t-elle à produire des œuvres à la fois si maîtrisées et pleines d'une forme de folie? D'où lui vient cette inspiration? Uhde veut tout savoir. Mais la seule chose que Séraphine soit capable de répondre lorsqu'on l'interroge, c'est qu'elle est la bouquetière de la Vierge. Voilà une expression qui est aussi belle de manière verbale que le sont les bouquets de Séraphine. Elle est la bouquetière de la Vierge. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Jusqu'à 15h, Franck Ferrand évoque le parcours d'une artiste peintre autodidacte, Séraphine de Senlis. Willem Oudeux est le mentor, même l'agent en quelque sorte de Séraphine, et il l'encourage à peindre, Franck. Et oui, on peut dire qu'il est en quelque sorte l'agent de cette flamboyance, ou si l'on ose dire un peu l'ange gardien de ces poussées mystiques et artistiques. Sauf qu'au moment où éclate la guerre de 14, et alors que Séraphine continue de peindre dans une ville qui est peu à peu désertée, vous savez que Senlis, ce sera la pointe avancée de l'invasion allemande, lui est obligé de repartir pour l'Allemagne. Alors, elle ne se laisse pas démonter, si je puis dire. Sur sa porte, elle a mis un petit écriteau, Séraphine. « Ne pas déranger, mademoiselle Séraphine est au travail ». C'est à ce moment-là qu'elle se fait appeler Séraphine de Senlis. Oudeux va disparaître, littéralement. Il ne reviendra la voir que beaucoup plus tard, en 1927, alors qu'elle avait bien cru ne jamais le revoir. Il a entendu parler d'une exposition où son ancienne femme de ménage serait exposée. Alors en le voyant, elle est sidérée. « Ah monsieur, dit-elle, vous êtes donc de retour. » Et de nouveau, il va l'aider. Il va l'exposer, notamment en 1929 à Paris, dans l'exposition « Les peintres du cœur sacré ». Elle sort à ce moment-là de l'anonymat. Mais voyez, c'est 1929. Alors évidemment, il y a chez elle de temps en temps des espèces de crises de mégalomanie. Alors on la voit acheter avec le produit de ses œuvres, des objets un peu étranges. Elle achète des rideaux qu'elle posera même jamais. Elle achète des chandeliers, des décorations de cheminée qu'elle entasse dans sa petite chambre avec l'idée qu'un jour elle va se faire une vraie belle maison, qu'elle pourra s'installer. C'est une période de relative opulence, mais qui ne dure pas, puisque 1929, c'est l'année de la crise. Oudeux va être emporté littéralement par cette crise. Et à partir de là, on peut dire que le choc que va subir Séraphine va donner corps à ce qui était sans doute sous-jacent chez elle, mais qui est une forme de psychose. On va la voir sombrer, comme je vous le disais au début, dans la folie pour Séraphine, alors qu'elle commençait seulement à pouvoir s'exprimer pleinement et à tirer les fruits de son incroyable travail. Eh bien, elle est bloquée par des raisons purement financières. C'est une déception immense qui la plonge dans une grande anxiété. Elle se cadenasse chez elle et elle peint avec une ferveur qui peut paraître inquiétante. Évidemment, on la voit parler toute seule, elle tient comme ça des propos un peu incohérents, elle s'est inventé un fiancé imaginaire, elle affirme qu'elle doit le rejoindre en Espagne, c'est vrai ce que disait le médecin, là, vous savez. Et donc, le 31 janvier 32, on la voit sortir de chez elle à peine couverte. 31 janvier, il fait un froid glacial dans Senlis, qui est une des villes froides d'Île-de-France, et on assiste à une scène un peu dérisoire, disons-le. Le froid pique son visage, raconte Alain Vircondelet. Les rues sont quasi désertes. Elle s'aventure le long des hôtels particuliers. Elle sonne à leur porte. Elle se pend aux sonnettes. Personne n'ouvre. Elle maudit les gens, invoque des psaumes et profère des menaces bibliques. Elle dépose sur le seuil des maisons les objets qu'elle avait achetés au temps de sa splendeur. Les chandeliers de bronze, les pendulettes, les angelots de faïence, les soupières de porcelaine. Des habitants, effarés par le spectacle, appellent de nouveau la police. Police qui va l'emmener, tandis qu'elle est en train de proférer des menaces. « Donnez votre argent, ne soyez pas égoïste, vous êtes perdus, les flammes de l'enfer vont vous emporter. Enfin, » vous voyez un peu, évidemment, on la place à l'hôpital psychiatrique de Clermont-sur-Oise. Le diagnostic est sans appel, atteinte de psychose hallucinatoire. Elle va donc être internée dans un département commun à tous les psychosés. Vous savez qu'à l'époque, on est encore une fois au début des années 30. La psychiatrie n'est pas très évoluée, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en apprenant sa situation, Oudeux va quand même envoyer un petit peu d'argent pour qu'elle puisse être placée dans une chambre individuelle avec un accès au parc de l'institution. Séraphine restera là pendant 10 longues années, pendant lesquelles elle écrit. Alors, ce sont des écrits très noirs, d'une violence parfois étonnante. Bien sûr, elle a des moments de répit, des instants où les démons qui l'habitent la laissent un peu en paix, mais de façon générale, son état se dégrade. Et puis, ça va être la guerre. Et vous savez que les lois du régime de Vichy sont pas tendres avec les malades mentaux. Le psychiatre Max Lafont parlera même d'extermination douce. Autrement dit, les traitements prodigués aux malades vont être limités, les vivres leur sont peu à peu, sinon coupés, en tout cas fortement restreintes. Et d'ailleurs, Séraphine ne mange presque plus rien. Elle s'invente à ce moment-là des espèces de grossesses mystiques pour nourrir les jumeaux qu'elle dit porter. Elle sort dans le parc et on la voit brouter de l'herbe. Il y a même sur une des fiches qui la concerne la mention « mange ses excréments ». le 11 décembre 42, alors que Séraphine est atteinte par ailleurs d'un cancer du sein, elle va littéralement mourir de faim. Sans famille, sans amis, elle sera enterrée et jetée à la fosse commune de l'hôpital avec quelques 3000 autres patients de cet hôpital de Clermont. C'est une horreur tout ça. Séraphine aurait souhaité avoir de grandes obsèques à la cathédrale de Senlis. Elle voulait une belle épitaphe sur sa tombe. Cette épitaphe, elle n'y sera déposée qu'en 2007, figurez-vous. Et l'on peut lire aujourd'hui sur la tombe de Séraphine de Senlis. Ici repose Séraphine Louis Maillard, sans rival, en attendant la résurrection. Bonjour Alain Vircondelet. Bonjour. Merci d'être avec nous pour essayer de mieux comprendre ce personnage hors norme et qui nous fascine. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. La peintre Séraphine de Senlis est à l'honneur dans Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, vous recevez Alain Vircondelet, l'auteur et le biographe entre autres de Séraphine de Senlis, Une vie, parue en 1986 chez Albin Michel. Et dernièrement, en octobre 2016, L'art jusqu'à la folie, Camille Claudel, Séraphine de Senlis et Aloïs Corbez aux éditions du Rocher. Oui, et Alain Vircondelet avait aussi consacré sa thèse en 84 à Séraphine de Senlis. Alors, on sait, Alain Vircondelet, votre passion pour les figures habitées par une flamme, d'une certaine manière. Vous étiez venu ici même nous parler de Jean-Paul II, de Marguerite Duras. Vous avez beaucoup écrit sur Pascal, sur Rimbaud, etc., sur Saint-Exupéry. Bon, est-ce que cette figure, pour vous, fait partie des mystiques du XXe siècle, ah cette oui, Séraphine de Senlis? Manifestement, la personnalité de Séraphine est une personnalité tellement forte, tellement puissante. Et en même temps, ce qui m'a ému toujours, c'est cette vie minuscule, cette vie discrète, cachée, qui devient au fur et à mesure une vie majuscule, qui devient une vie grandiose, sublime, que la peinture et la création ont complètement transformé et bouleversé. Les tableaux de Séraphine sont comme la projection d'un univers intérieur, absolument, il faut le dire. Oui. Ça fait penser parfois, alors je dis bien parfois, quand on est très inspiré, vous savez qu'au moment où on s'endort, on a des espèces d'images comme ça qui apparaissent, oui, on ne sait pas d'où elles viennent, ces images d'une, oui, force, d'une beauté, avec des couleurs plus, oui, puissantes que dans la nature. Eh bien, on a l'impression que c'est ce qu'elle vivait, elle, et qu'elle a réussi à transcrire. C'est une vibration permanente. C'est ça, voilà. C'est une peinture qui vibrionne, c'est une peinture qui vibre de l'intérieur. Certainement que c'est une femme extrêmement habitée, qui est une magicienne. La dernière fée de nos terroirs, disait Jean Cassou. C'est très joli. Hein, c'est la dernière fée de nos terroirs. C'est une fée, c'est une magicienne, c'est une femme qui, effectivement, avait une force mystique en elle et qu'elle a développée au fur et à mesure, aidée en cela sûrement par cette fameuse psychose hallucinatoire chronique dont elle a été victime depuis toujours. Alors, je pense, oui, que c'est quelque chose qu'elle a eu et qui s'est emparée d'elle très tôt et qui au fur et à mesure a continué à sourdre à bas bruit jusqu'à exploser. Nous allons revenir dans un instant sur le lien ténu, évidemment, entre inspiration mystique et folie. Mais avant cela, ce qu'il y a peut-être de plus fascinant chez cet autodidacte, c'est que pour une petite femme de ménage très discrète, elle nous livre un des univers les plus riches de son temps. Ça, c'est presque une leçon sociale, d'une, oui, certaine manière. C'est-à-dire que c'est fascinant de voir cette petite domestique tellement discrète, tellement oubliée, qui nous donne presque une leçon de grandeur. Oui. Mais il ne faut pas oublier que Séraphine a toujours vécu dans des lieux d'enfermement. Dans sa fameuse ferme, où elle était adolescente, où elle était fille de ferme, comme on disait, c'est-à-dire soumise à tous les mépris et à toute la basse besogne. Et elle vivait dans ces grandes fermes closes, hautes de murs, qui étaient comme des lieux cellulaires, finalement. Donc, elle a vécu une enfance, une adolescence dans des lieux clos. Puis, ça a été 20 ans de vie conventuelle, où là aussi, elle était dans un univers clos. Et ensuite, c'est le Puy Tiphaine, la rue du Puy Tiphaine, dans cette chambrette qu'elle a louée. Le nom d'ailleurs est presque symbolique, le puits. Ah, c'est étonnant, comme dans un puits. Et ensuite, c'est comme si on allait à la source, voilà, d'une certaine manière. Et ensuite, manière, c'est l'enfermement à l'asile psychiatrique. Alors, évidemment. Donc, elle a toujours vécu enfermée. Et de ces lieux fermés, elle a toujours su. C'est un modèle pour Michel Foucault, hein, ce personnage. Une grande leçon pour les psychanalystes. Oui, oui, oui. C'est une mine pour les analystes. Et elle, de tous ces lieux clos, elle a essayé d'extirper le meilleur de ces lieux-là. Alors, quand elle était à la ferme, c'était la nature. Quand ça a été l'asile psychiatrique, plutôt déjà le couvent, c'était les fleurs, les autels qu'elle fleurissait, mais aussi les vitraux, mais aussi aussi qu'elle pouvait admirer, mais aussi les images de piété, enfin toutes ces images qui étaient post-Second Empire que l'on publiait à l'époque et qui étaient très baroques. Avec toujours une espèce de poussée de vie, oui. Comme si elle voulait mettre au monde les enfants qu'elle n'aura pas. D'ailleurs, elle dira souvent qu'elle est enceinte, hein. C'est une obsession chez elle. Et il y a toujours l'arbre de vie, les grandes marguerites, les fleurs de paradis. Enfin, alors, il y a toujours ce qui est intéressant, c'est de voir que toute sa peinture suit sa psychose et l'évolution de sa psychose. C'est-à-dire que dès les premières peintures, ce sont des bouquets stables. Puis, plus elle avance dans le temps et plus les bouquets se déstabilisent, plus les bouquets se fragmentent, se fracturent. Un petit peu à la façon des tournesols de Van Gogh. C'est une peinture qui fait penser beaucoup à Van Gogh, au dernier Van Gogh, celui des tournesols et des blés, des blés d'or, comme disait la chanson. Et il y a cette sorte de psychose qui se projette également dans la peinture. Et au fur et à mesure, les arbres qui étaient des arbres de vie assez équilibrés deviennent instables, ils se penchent, ils se brisent et laissent le passage à des torrents de fleurs, de fruits qui sont à l'évidence, je dirais, toute sa pensée, toute sa folie qui se déverserait dans ce torrent-là. Nous avions, il y a quelque temps, consacré une émission ici même au douanier Rousseau, qui est le père du primitivisme français, donc de cette peinture que certains appellent naïve. Alors je sais que ça fait deux à découvert. Ça fait hurler les historiens de l'art, mais peu importe. Bref, c'est quand même une peinture naïve, qu'on le veuille ou non. Il y a chez le douanier Rousseau une forme de recul par rapport à sa peinture. Il y a même parfois une utilisation des goûts de l'époque, si je puis dire. Pas du tout chez Séraphine. C'est-à-dire que le douanier Rousseau utilisait les almanachs et les catalogues des grands magasins de l'époque, hein, et il les découpait, et puis à partir de là, il concevait des tableaux. Il y avait une côté fabrication chez lui. Ah oui. Chez elle, non. Ah non, chez Séraphine, c'est quelque chose qui vient de très très loin, et c'est ça qui est très fort et très beau. C'est une pensée primitive à la source, peinture naïve au sens propre, c'est-à-dire naïf nativus en latin, ça veut dire près de la naissance, près de la source. Et on est là aux origine de quelque chose qui échappe même à Séraphine, bien sûr, et qui est, je dirais, développée, qui est augmentée par une mystique et une spiritualité tout à fait charbonnière. Hein, oui, c'est ça, c'est naïve. Une spiritualité qui n'a pas trouvé à se structurer. Absolument. C'est-à-dire qu'elle ne connaît pas du tout la théologie. Non. Enfin, c'est la foi du charbonnier. C'est ça. Mais en même temps, ça lui donne une force. Bien sûr. Et en même temps, elle qui voulait toujours être religieuse, a été très dépitée parce qu'il fallait une dot pour être religieuse à l'époque, donc elle n'avait pas d'argent. Elle a été très dépitée par les mœurs de l'Église à l'époque, puisque quand elle voulait aller à la messe, elle se mettait au premier rang, mais on ne lui disait pas du tout. Au premier rang, il y a c'est placé. Ce sont des lieux placés avec des prie-dieux brodés au nom et au chiffre de la famille qui les possédait, ces prie-dieux. Donc elle faisait scandale dans la cathédrale même. Et elle était tout à fait en désaccord avec la façon dont l'Église, en fait, traitait l'Évangile. Hein. Et elle était aux sources mêmes de l'Évangile. Est-ce qu'elle a réussi à s'exprimer quand même en dehors de ces tableaux ? Non. Non. Hein. Non. C'était une taiseuse. C'est hein. ça. Hein. Elle avait beaucoup de discrétion et aussi de timidité vis-à-vis d'une société qui ne l'avait pas reconnue. Certes, elle faisait quelques scandales comme cela à l'Église, en réclamant d'avoir une place comme les autres, à la place qu'elle voulait, mais en réalité, elle était toujours très retirée et s'adonnait à sa peinture nocturne. Hein, c'était une peinture qui se pratiquait la nuit. À genoux. Elle peignait à genoux, en chantant des psaumes et des cantiques. Dans des moments de quasi-révélation, quand même. Est-ce qu'on voit évoluer la technique de cette peinture avec Alors, le temps? Oui, d'abord, grâce à Udeux, parce que Udeux lui a offert, comme vous l'avez dit tout à l'heure, elle peignait sur des cagettes, elle peignait sur des bouts de bois, sur qu'elle trouvait avec comme du ripolin. Ça, oui, avec du ripolin, ce qui a donné cette peinture laquée, hein, presque émaillée, qui faisait penser justement aux vitraux et à la peinture des émaux. Et au fur et à mesure que Udeux l'a aidée, il lui a offert évidemment les meilleures peintures, il lui a offert les meilleures toiles, et elle avait une sorte de, vous voyez, ça allait avec sa psychose. Elle demandait toujours plus grand, disait-elle, toujours plus grand, que mes tableaux soient toujours plus hauts. Hein, et elle voulait que ce soit comme des verrières de cathédrale. Est-ce que c'est de la mégalomanie ou est-ce que c'est seulement l'aspiration à quelque chose de supérieur? Dans un instant avec vous, nous allons revenir à Alain Vircondelet sur le personnage de Wilhelm Udeux. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et oui, Franck, aujourd'hui, c'est le parcours de Séraphine de Senlis que nous évoquons dans Au cœur de l'histoire. Alain Vircondelet, l'auteur entre autres de Séraphine, de la peinture à la folie, paru en 2008 aux éditions Albin Michel, est à vos côtés pour en parler. Oui, et vous venez, Alain Vircondelet, de faire paraître aux éditions du Rocher l'art jusqu'à la folie, c'est exactement le cas et le sujet de Séraphine de Senlis, mais aussi de Camille Claudel et d'Aloïs Corbas, dont on dira un mot tout à l'heure. Alors, pour revenir à notre Séraphine, est-ce qu'on peut dire que si M. Wilhelm Oude n'était pas tombé un peu par hasard sur une de ses œuvres, elle serait restée inconnue ? Possible, bien sûr. Ça veut peut-être dire qu'à l'heure où nous parlons, il y a des génies comme ça qui n'ont pas été découverts ? Il y a beaucoup de peintres qui ont leurs œuvres et leurs chefs-d'œuvre sous les lits et derrière les armoires, aujourd'hui encore. Ouais. Et Séraphine aurait été de cela. Il faut dire que le hasard est ici organisé complètement. Puisque sur le chemin de vie de Séraphine, une étoile est apparue, et cette étoile, c'est Wilhelm Oude. Et Oude, c'est pas n'importe qui, c'est le découvreur de Picasso quand même. C'est le découvreur de Daniel Rousseau, le découvreur de Vivien, de Beauchamp, oui, de Bambois, c'est-à-dire les plus grands peintres primitivistes dont vous avez parlé. Et Braque également, qu'il admire et qu'il découvre. Il est collectionneur, il est galériste, comme on disait, il est acheteur, il est marchand, Il est lui-même un peu, j'allais dire excentrique, le mot est trop fort, mais en tout cas, ce n'est pas un classique, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. D'abord, c'est un rebelle allemand, il est plutôt favorable à la République de Weimar, il est très virulent à l'égard de l'Empire allemand, il quitte Heidelberg où il a vécu pour habiter à Paris et découvre évidemment Paris en pleine expansion. C'est un bouillonnement culturel. Bouillonnement merveilleux. Et là, il va devenir d'ailleurs le mari de Sonia Delaunay. Alors, c'est un grand peintre également. Alors, à l'époque, elle n'est pas encore Sonia Delaunay. Elle s'appelle Sonia Sterk et il l'épouse. Alors, il semblerait que ce soit un mariage arrangé. Il se trouve que Wilhelm Oude est homosexuel et que Sonia Sterk avait besoin d'être mariée pour une naturalisation. Mm-hmm. Donc, il y a eu ce mariage. Qu'on appelle un mariage blanc. Voilà, c'est un mariage blanc, un mariage arrangé qui va d'ailleurs se rompre très vite, puisque 6 mois après le mariage, Sonia Sterk va rencontrer Robert Delaunay et elle va épouser donc Robert Delaunay et va former avec lui ce couple extraordinaire. Hein. Ça ferait une belle émission, ça, mais c'est un autre sujet. Aussi. Et donc, Oude continue à mener une vie tout à fait, je dirais, curieuse de la modernité française et va découvrir au fur et à mesure et se constituer une collection magnifique. Et le fait d'aller à Senlis se reposer dans une maison de campagne et de tomber sur et d'avoir une femme de ménage qui justement est cette femme c'est peintre, incroyable, ça relève quand même, je dirais, d'un miracle. Ah oui. Et nous sommes dans cette histoire toujours avec Séraphine dans l'ordre justement du miraculeux. Comme un appel, d'une certaine manière. Hein. Alors il va être très sensible à cette peinture, évidemment. Il croit que les pommes dont vous avez parlé, qu'il va découvrir, qui sont par terre, jetées par terre dans un coin, que vient certainement de lui donner Séraphine a cette maîtresse qu'il occupe et elle lui a donné cette petite tablette sur laquelle il y a des pommes et il dit c'est un Cézanne. Manifestement, les pommes sont un Cézanne. C'est la grande période où Cézanne justement peint ses pommes. Il est absolument stupéfait, sidéré, comme vous avez dit, et à partir de ce moment-là, je crois que la vie de Séraphine va basculer. Et malheureusement, il ne l'accompagne pas autant qu'il aurait pu, finalement. C'est un mystère, oui. Ouais. C'est assez étrange. Je pense qu'il y a les deux guerres qui vont jouer un rôle très important parce que il est allemand, il n'est pas français, il est chassé de France en tant qu'allemand. En Allemagne, il est considéré comme un déserteur, quelqu'un qui politiquement était contre, évidemment, l'Empire allemand pour la guerre de 14, puis après, contre le nazisme montant. Et il est donc toujours en porte-à-faux et c'est un exilé, c'est un homme qui est toujours un nomade hein, et qui perd au fur et à mesure des guerres, qui va perdre toutes ses collections hein, qui vont être récupérées par les Allemands, qui vont être détruites. Sa collection est évidemment constituée d'art débile, ce qu'on appelait l'art débile, et l'art oui, pour dégénérer. Mais voilà, hein, tout ce que détestaient les nazis. Voilà, oui. Tout ce que détestaient les nazis. Et au fur et à mesure, il va reconstituer cette collection. Mais Séraphine, il va l'oublier à un moment donné. donné. Je me suis toujours demandé, d'ailleurs, à l'époque, dans les années 80, lorsque je travaillais sur Séraphine en Sorbonne, j'avais rencontré Jean Cassou, qui était un des grands témoins de l'art moderne, et je lui avais posé la question. J'avais dit, mais comment, vous qui avez connu Hude, comment est-ce possible que, Hude, à son retour d'Allemagne après la guerre de 14, ait pu oublier Séraphine alors qu'il l'avait quand même déjà mise sur un pied d'étage. Il ne la revoit qu'en 27, il a mis le temps quand même. En 27. Ouais. Et il a... Alors il m'a expliqué qu'il était très capricieux quand même. C'était un homme qui était assez capricieux, assez fantasque, et qui aussi avait des passades, voilà. Et donc qui avait créé une nouvelle collection, et Séraphine ne l'intéressait plus. Et quand en 27 il apprend, en ouvrant le journal, le courrier de l'Oise, puisqu'il n'habite plus à Senlis, mais il a loué à Chantilly. Et il est là avec un journal, le Courrier de l'Oise, qui annonce que l'association des Amis de l'Art de Senlis, une association de peintres du dimanche, va exposer les peintres locaux, et dont Séraphine de Senlis. Enfin, Séraphine Louis, plutôt. Et donc, il est absolument stupéfait. Tout d'un coup, lui revient en mémoire, c'est assez étrange quand même, lui revient en mémoire la passion qu'il a eue pour Séraphine. Il va, pour il son se précipite, art, en tout cas. Oui. Et il découvre cette peinture qu'il achète immédiatement. Il achète les deux grands tableaux qui étaient au fond de la salle. Et là, elle va enfin pouvoir croire à une carrière pour elle. Elle pense à une carrière et puis surtout à une reconnaissance. Et tout ça va basculer presque aussi vite. C'est ça qui est terrible. Oui. Ça dure 18 mois, quoi, en gros. Hein. C'est-à-dire que, évidemment, la crise de 29 arrive. Willem Hude est ruiné. Il est obligé d'abandonner ses prétentions, galerie, également exposition qu'il avait prévue pour Séraphine. Il avait prévu une très grande exposition avec tous ses amis surréalistes, avec Breton par exemple, qui s'entiche, André Breton s'entiche de Séraphine. La presse locale se moque toujours de cette pauvre Séraphine. On dit elle a quitté le plumeau pour le pinceau. Voilà comment un journaliste parle dans le Courrier de l'Oise de Séraphine. Elle a quitté le plumeau, effectivement. Séraphine est même devenue une sainte de la peinture, si j'ose dire. C'est ça, c'est et elle demande toujours des tableaux plus hauts, toujours des tableaux plus grands. Il obéit à ses injonctions, il lui offre des tableaux que l'on livre de Paris dans des camions qui passent par la fenêtre de la rue du Putifène, parce que c'est une petite fenêtre, ça passe pas dans le couloir de l'immeuble. Et voilà que Séraphine peint, mais elle peint avec une sorte de... Je dirais de la folie qui commence à la submerger. Et voilà. Oui. Les anciens disaient choros hubris athée, satiété, démesure, désastre. Voilà. Le désastre, nous sommes à ses portes et nous allons le vivre dans un instant avec vous, Alain Vircondelet. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Vous recevez Franck Alain Vircondelet, l'auteur de L'art jusqu'à la folie, Camille Claudel, Séraphine de Senlis et Aloïs Corbaz aux éditions du Rocher. Donc Séraphine entre en 32 dans cet asile qui va subir pendant l'occupation une forme de déréliction effroyable. C'est un hôpital psychiatrique énorme et où sont mélangés tous les malades, aussi bien des psychotiques que des névrosés, que des pauvres débiles mentaux de naissance, de toutes les maladies. Tout est mêlé dans une sorte de cacophonie et de chaos dans lequel Séraphine va vivre. Quelle entre horreur. 32 et 34, puisque en 34, on prétend que Séraphine est morte. Et Willem Hude, nouveau mystère, déclare dans Paris qu'elle est morte et écrit dans ses livres qu'elle est morte en 34. Et ne s'en occupe plus et donc ne paie plus la pension puisqu'il avait demandé... Ça l'arrange peut-être, non ? Je ne sais pas. Entre 32 et 34, il payait pour que Séraphine ait une chambre personnelle, individuelle. Et en 34, elle va rejoindre la chambre commune. Et là, c'est le délire total. Et nous assistons au fur et à mesure... C'est le point commun à vos trois héroïnes, si je puis dire, dans cet ouvrage « L'art jusqu'à la folie ». Camille Claudel, on connaît malheureusement cette fin épouvantable, elle aussi, dans la folie... De Vergue. Oui. C'est un asile aussi qui a vécu cet enfer et des lois vichistes. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, les nazis avaient demandé à Pétain d'éliminer les malades mentaux comme les handicapés. Pétain ne s'y était pas résolu et avait simplement coupé la moitié des vivres. Ce qui fait que la majorité des malades mentaux dans les asiles psychiatriques sont morts de faim. C'est une chose qui a été découvertes que très très tard, hein, que au début du 21e siècle, hein, puisqu'il y a eu des chercheurs du CNRS qui ont dénoncé cela avec le terme effectivement d'extermination douce. Moi j'ai rencontré beaucoup de gens de l'époque, dans les années 80, j'ai rencontré des aides-soignants qui avaient connu l'époque de la guerre et qui m'ont dit qu'effectivement les vivres et les médicaments étaient récupérés au passage par le personnel médical pour leur propre famille et donc se servaient au passage. Et c'est ce qu'on appelait la technique du coulage. Et donc les malades n'avaient presque plus rien à manger et aujourd'hui, on le voit bien, il y a une plaque à l'hôpital aujourd'hui, comme on dit, psychiatrique de Clermont-de-Loise, il y a une plaque qui a été posée il y a très peu de temps, dans laquelle est dit cette phrase suivante, ici sont morts 3003 malades mentaux de faim. Et le mot est dit, le mot est aujourd'hui prononcé, on sait qu'ils sont morts de faim. Comme d'ailleurs Camille Claudel. Oui, Il faudrait dire un mot d'Aloïs Corbaz, Alain Vercondelet, mais nous n'aurons pas le temps aujourd'hui parce que je voudrais quand même signaler à nos auditeurs la beauté sur Terre de cette ville de Senlis, qui est le berceau de notre monarchie capétienne. Un endroit absolument extraordinaire avec des parcs, avec des ruines, avec tout le quartier. Il faut aller dans ce quartier Saint-Vincent qui est tellement accueillant, tellement beau. La finesse d'ardoise, des toits. Oh, c'est magnifique. Oui. Et la beauté de ces façades dans cette pièce. Blonde si particulière, des rues qui, pour la plupart, ont conservé leur structure ancienne, ce qui explique pourquoi tant de films sont tournés aujourd'hui à Senlis, parce qu'il est extrêmement facile de se croire au 18e, voire même au 16e ou 17e siècle dans certaines des rues de Senlis. C'est un véritable bonheur. Bien sûr, la cathédrale Notre-Dame, témoin exceptionnel de l'évolution du style gothique, puisque on est là à un endroit où s'invente l'art ogival et où ensuite va se transformer le gothique classique en gothique rayonnant. Donc tout ça dans une même église, si je puis dire, avec le sublime portail de la Vierge, qui est un chef-d'œuvre de la sculpture du XIIe siècle, avec son tympan qui représente Marie couronnée dans sa mandorle, assise à côté de son fils, entourée des anges, la tour sud, les façades du transept, enfin, tout ça est absolument magnifique. Le cœur de la cathédrale constitue un exemple étonnant de la première architecture gothique à l'époque où on est en train d'essayer d'élever l'ancienne architecture romane, la faire pousser et grandir, ce qui devait tellement plaire à Séraphine de Senlis et qui devait tellement l'inspirer. Merci beaucoup Alain Vercondelet. Je rappelle le titre de votre nouvel ouvrage, L'art jusqu'à la folie, c'est aux éditions du Rocher. Nous nous retrouvons en direct demain pour parler de Madame du Deffand. Avec grand plaisir, merci Franck, à demain. C'était Franck Ferrand. Et nous avons rendez-vous maintenant avec Mathieu Charrier. Bonjour Mathieu. Eh bien bonjour Franck, on va parler aussi d'histoire un peu nous aujourd'hui dans un dimanche de cinéma avec Mélanie Thierry. Pour le film La Douleur qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un très beau film, le film de ce début d'année, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Et puis notre dossier, on partira en reportage sur le tournage du 4e film de Jean-Paul Rouve. En tant que réalisateur, ça s'appelle Lola et ses frères. Merci beaucoup Mathieu, on vous retrouve dans un instant.